Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans les feuilletons de la médiathèque. Cette émission est produite et réalisée par le réseau des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. À l'occasion des 80 ans de la Libération, nous avons eu envie de partager avec vous l'histoire méconnue des bibliothèques pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous n'avez pas encore écouté les 3 épisodes précédents, je vous conseille de le faire dès à présent. Cela vous permettra de mieux comprendre le contexte des évacuations de documents, la politique culturelle nazie et les pillages massifs des bibliothèques françaises. Maintenant, plongez avec moi dans ce 4e épisode, Censure et lecture sous l'occupation. Parallèlement au pillage des œuvres d'art et des collections littéraires qui présentent un intérêt pour l'Allemagne, les services de propagande allemands souhaitent diffuser au sein de la population française leur idéologie et occuper les esprits. L'idée est bien de procéder à une épuration de la culture littéraire française afin de la remplacer par une littérature allemande favorable à la propagande nazie. Des milliers de livres vont donc être ainsi saisis, parfois brûlés dans des autodafés, dans cette logique nationaliste de remplacement de la pensée. Les bibliothèques n'échapperont ni à cette épuration, ni à la censure qui va s'en suivre. Comme pour les pillages, la censure est favorisée par une administration conséquente, divisée en groupes et sous-groupes, qui là aussi se font parfois la guerre entre eux. C'est ainsi qu'Otto Abetz, qui avait perdu la bataille des pillages face à l'état-major Rosenberg, s'approprie le travail de censure et de propagande littéraire qui revenait normalement aux militaires de la Propaganda Abteilung. L'ambassadeur a l'avantage de bien connaître Paris et ses milieux littéraires, et finit par complètement s'imposer jusqu'à ce qu'en 1943, le groupe Schrifttum de la censure, dédié à la littérature, passe sous son seul commandement. Dès l'été 1940, une liste de 143 titres, dite liste Bernhardt, est publiée. Elle recense des ouvrages considérés comme anti-allemands, anglophiles, anti-national-socialistes ou juifs. Le temps du mépris d'André Malraux fait par exemple partie de cette liste. Plus de 700 000 ouvrages sont confisqués par les Feldkommandantur et les sections de la gendarmerie secrète Geheime Polizei, aidées par la police française dans les librairies, les maisons d'édition et les bibliothèques de la zone nord. Otto Abetz, ainsi que la Propaganda Staffel et certains éditeurs français, éditent 3 listes supplémentaires entre 1940 et 1943. Si l'occupant tend à laisser penser que les éditeurs français sont les seuls à l'origine de cette liste et de la censure, la réalité est plus nuancée. Entre les saisies et le sort réservé aux grandes maisons d'édition comme Kalman Levy, d'abord mise sous tutelle avant d'être complètement arianisée, la soumission était de mise si elles voulaient poursuivre leurs activités. La première liste auto de 1940, consultable en reproduction à la médiathèque Alain Gérard grâce aux archives municipales de Quimper, regroupe 1060 titres. En introduction, nous pouvons lire. Il s'agit de livres qui, par leur esprit mensonger et tendancieux, ont systématiquement empoisonné l'opinion publique française. Sont visés en particulier les publications de réfugiés politiques ou d'écrivains juifs qui, trahissant l'hospitalité que la France leur avait accordée, ont sans scrupule poussé à une guerre dont ils espéraient tirer profit pour leurs buts égoïstes. Parmi les auteurs juifs interdits, on retrouve notamment Stefan Zweig, Léon Blum, Albert Einstein ou Sigmund Freud. Cependant, ils ne sont pas les seuls visés par cette censure. Dans les listes auto, on retrouve les auteurs dits anti-allemands, comme Charles de Gaulle, Winston Churchill, Georges Duhamel ou Pierre Loti, des auteurs allemands émigrés comme Thomas Mann ou Erich Maria Remarque, toutes les éditions de Mein Kampf, des ouvrages marxistes, mais aussi du fait des alliances et du pacte germano-soviétique, des livres hostiles au Duce ou à Staline. La deuxième liste, publiée en juillet 1942, élèvera le nombre à 1170 titres interdits. La troisième, enfin, publiée en mai 1943, condamne 934 livres de 706 auteurs, l'œuvre complète de 41 auteurs, leur interdisant en même temps de poursuivre leur carrière, ainsi que l'œuvre complète de 739 écrivains juifs. Cela revient donc à interdire entre 6 000 et 8 000 ouvrages. Les bibliothèques scolaires ne seront pas épargnées, puisque Abel Bonnard, ministre de l'Éducation sous Vichy, ordonne leur épuration complète. L'édition est mise sous clé et aucun nouvel ouvrage ne peut sortir sans l'approbation de la propagande, qui a toujours le dernier mot, même si la censure préalable est organisée par le gouvernement de Vichy et ses collaborateurs. Côté bibliothèque municipale, l'application des listes auto n'est pas aussi radicale qu'en maison d'édition ou en librairie, mais reste néanmoins une réalité. Les ouvrages ne sont pas saisis, mais mis sous clé. L'interprétation des listes est laissée aux bibliothécaires, ce qui peut se retourner contre eux en cas de contrôle des Fellkommandantur. Certains livres se retrouvent donc sous clé, même s'ils ne figurent pas sur les listes. Parfois, l'ordre de censure ou de saisie émane directement du préfet ou du maire. L'application des listes varie donc en fonction des bibliothèques, des tutelles ou du personnel. Il est très compliqué de déterminer ce qui relève du zèle et de la collaboration pure, idéologique, antisémite ou anticommuniste, de la peur ou de la ruse. La majorité de la résistance des bibliothécaires s'étant opérée de façon passive. Certaines collections sont mises sous clé, avant tout pour les protéger des autorités allemandes, là où d'autres bibliothèques les éloignent du public par idéologie pro-allemande ou antisémite. Certaines bibliothèques vont cacher des ouvrages censurés pour les protéger et envoient à la Fellkommandantur des livres abîmés ou qu'elles décident de sacrifier afin de répondre aux exigences de l'occupant et parfois du gouvernement français. D'autres continuent à fournir des juifs en lecture alors même qu'ils n'ont plus le droit de venir à la bibliothèque. C'est le cas de la bibliothécaire de l'Heure Joyeuse, une bibliothèque jeunesse de Paris, qui fait passer en douce des livres aux enfants juifs. Enfin, certaines bibliothèques n'achètent tout simplement pas d'ouvrages pendant l'occupation, afin de ne pas faire entrer de la propagande dans leur collection. Comme dans le reste de la population, les bibliothécaires compteront malgré tout dans leur rang quelques résistants et résistantes actifs. Parmi elles et eux, on notera Yvonne Audon, du réseau du Musée de l'Homme, Julien Quin et une vingtaine de bibliothécaires de la BNF qui prennent le maquis ou rejoignent les FFI, les Forces Françaises de l'Intérieur, sous le commandement du général Koenig. Si Julien Quin et Yvonne Audon survivront à leur déportation, cela ne sera malheureusement pas le cas de tous les engagés dans la résistance. C'est la fin de ce quatrième épisode consacré à l'histoire des bibliothèques françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous retrouverez en description toutes les sources qui nous ont permis de réaliser cet épisode. Dans notre prochain numéro, nous parlerons du sort des bibliothèques à la Libération et du lourd bilan de 5 années d'occupation. À très bientôt.